Allô, allô. En fait, j'ai essayé de faire comme tu m'as dit. Avec Vista et là ça marche. Je fais exactement ce que je fais. Sur tous ceux que j'avais avant. passer la nuit, s'il faut. Et oui, c'est ça, passer sur Windows 7. Faut tout refaire. Quelqu'un sait comment on fait ? Windows 7, quand tu as un petit bloc-notes, le pense-bête, comment on fait pour sauvegarder le pense-bête ? C'est une question de con, mais c'est quand tu veux faire une note, là. Attends, j'enlève la réverb. Putain, on comprend rien ce que je dis. Oui, je demande, quand tu fais le bloc-notes, pense-bête, comment on fait pour le sauvegarder ? Parce qu'il y a un truc pour supprimer ou plus, restaurer, taille. Avant, je faisais comme ça quand je voulais récupérer un truc, mais je sais pas comment on fait. Outil de bande. Ah non, fais voir. Attends. Supprimer. Non, moi, il me demande juste si je veux la supprimer, c'est tout. Voulez-vous vraiment supprimer ? Je ne veux pas supprimer. Je vais pouvoir le revoir. Je vais remettre la fonction. Oh, il l'a fait. Bah, maintenant, pensez. Nouvelle note. Oh, Ajouter cette barre. Afficher. Plus tout.